Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amaya Laborde, prof de chant et de technique vocale à la Sirène Anglette. Et il se trouve que c'est également la professeure de chant de Julia Damestoy Pérez que nous avons reçue il y a quelque temps ici dans les studios et à qui nous faisons un petit coucou. Bonjour Amaya. Bonjour. Alors, professeur de chant et de technique vocale, peux-tu nous expliquer toutes les cordes de ton art ? Alors, en fait, j'accompagne les gens dans leur démarche pour avoir un geste vocal équilibré. Alors, un geste vocal équilibré, c'est avoir une voix qui sort sans effort, en confort, mais à la fois résonante. Voilà, donc j'accompagne autant des débutants que des intermittents, des comédiens, des chanteurs qui ont peut-être des difficultés avec leur voix, qui ont des troubles vocaux, parce que j'ai eu aussi un diplôme sur les troubles vocaux chez les professionnels de la voix. Donc je ne suis pas une soignante, mais j'accompagne des rééducations, quelquefois post-orthophonie. D'accord, voilà. D'accord. Et tu fais ça depuis quelques années, je crois. Alors, je fais ça à mon compte depuis le post-Covid, on va dire. J'ai changé de vie à ce moment-là. Je suis revenue dans la région. Oui. Voilà, parce que j'étais originaire d'ici. Donc, au conservatoire, j'étais flûtiste. Puis après, je suis partie à Toulouse faire mes études, où j'ai commencé à chanter. D'accord. Surtout du lyrique. Beaucoup dans des chœurs. Et puis après le Covid, j'ai fait une formation de professeur de chant et de technique vocale dans un centre de formation qui s'appelle Chant, Voix et Corps à Montpellier. Et vraiment avec Emmanuelle Trinquès, et j'insiste pour la citer parce qu'elle a vraiment changé ma vie. Ouais, il faut pas autant hésiter. En tant que chanteuse que en tant que pédagogue de la voix. D'accord, et c'est donc une technique qui est très ludique et qui peut s'adapter à toutes les formes de chant. Que ce soit du lyrique, du jazz, des musiques actuelles, voilà. Oui, donc le spectre est très large. Est très large. Voix parlée, voix chantée, voilà. D'accord. Faut pardonner ma voix aujourd'hui, parce qu'avec les pollens, elle est un peu... Oui, je suis un peu dans le même cas, elle donc... Est un peu, dans les chaussettes. C'est pas comme s'il y en avait beaucoup actuellement, mais bon... Oui, c'est ça. Les voitures sont toutes jaunes. On faisait un petit coucou à Julia parce que c'est elle qui me parlait de toi, du coup, en premier. Mais il se trouve que tu as accompagné aussi deux autres artistes que j'ai accueillis ici. Et oui, absolument. Pauline Jeunquet, qui veut me voir aussi pour un accompagnement spécifique. Et Jeff Bernard, pareil, voilà. Donc voilà, c'est un petit monde en fait. Hein. Bah oui, on commence oui, à se connaître. Et puis voilà, vu que c'est une technique qui est très efficace finalement. Voilà, elle est un peu, je suis un peu victime de son succès. Victime du succès, mais c'est bien. Mais c'est très bien. Oui, c'est très bien. Alors, ça se passe comment ? Comment tu les fais travailler ? Alors, en fait, c'est un premier court test où ils viennent me voir. Je discute avant avec eux au téléphone. Et voilà, ils viennent me voir. Alors, par exemple, exemple type, c'est un intermittent ou une intermittente qui perd sa voix, qui se fatigue la voix beaucoup. Et donc moi je l'aide à rééquilibrer ce geste vocal, je donne des conseils aussi d'hygiène vocale, je donne des informations au niveau anatomie, physiologie de la voix, parce que souvent, très souvent, les gens ne savent pas comment ça fonctionne, et quand on sait comment ça fonctionne de l'intérieur, et ben après on peut vraiment agir et il y a des méthodes très très simples, par exemple faire des bulles dans un verre avec la voix, etc. Ça sert à équilibrer le geste vocal. Voilà, j'ai plein de petites vidéos sur mon Instagram pour montrer justement ce qu'on peut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire avec sa voix. Puis après c'est vraiment du sur-mesure, parce que chaque personne a ses problématiques en fait. Et donc moi dans le premier cours j'essaie de voir un petit peu où est l'objectif, comment je peux travailler dessus. Et après c'est des formules de 6 cours, 10 cours, ça dépend des profils. Tu parlais d'hygiène vocale, ça définit quoi exactement? Alors l'hygiène vocale c'est comment justement prendre soin de sa voix, pas forcément quand elle est mal en point, mais en prévention évidemment. Donc des choses qu'il faut, parce que souvent on entend ah oui il faut manger ça, il faut boire ça, c'est bon pour la voix, mais en fait dans les cordes vocales il n'y a rien qui passe, sinon on s'étouffe. C'est quand on avale de travers par exemple, là oui effectivement ça touche les cordes vocales. D'accord. Donc il y a quelque chose de très simple, c'est hydrater les cordes vocales, mais en buvant on ne peut pas les hydrater. Donc en fait, il y a un petit appareil qu'on appelle un nébuliseur et qui va nous nébuliser en fait des particules très très fines de sérum physiologique qui vont aller vraiment hydrater les cordes vocales. D'accord. Donc ça peut être ça. Oui. Voilà, il y a plein de choses. Il faut éviter aussi, il faut voir tout ce qui est rapport avec un RGO, c'est-à-dire un reflux gastro-œsophagien qui va venir brûler les muqueuses au retour. Voilà, donc on fait un petit check de tout ça. Et ils partent, en fait, le but c'est qu'ils partent au bout de 6-7 séances avec une boîte à outils personnalisée pour eux, qui deviennent autonomes dans leur pratique, en fait. Voilà. D'accord. Tu parlais sur ton compte Instagram qui avait plusieurs conseils que tu divulguais. Ton compte Instagram, c'est... C'est la sirène en anglette. D'accord. Voilà, avec une jolie sirène dessinée. Ah. Ça aide à reconnaître. Voilà. Donc là, tu nous parles de personnes qui sont venues te voir et qui sont dans le monde musical, on va dire, donc des chanteurs, des chanteuses. Mais hors antenne, tu m'expliquais que pas que. Non, il y a aussi des comédiens, des professionnels de la voix. Parler, par exemple, quelqu'un qui veut s'exprimer en public et qui a des soucis de vocaux. Alors ça peut être comme toi, par exemple, un animateur radio, ça peut être les guides conférenciers. Oui. Qui sont en plus souvent, alors maintenant ils sont de plus en plus équipés avec des micros, mais pendant pas mal de temps ils se fatiguaient beaucoup la voix, parce que c'est la voix en extérieur, on n'utilise pas sa voix en extérieur comme on l'utilise en intérieur de façon confidentielle. Oui. Donc voilà, il y a tous ces aspects, mais moi vraiment je m'adapte à la demande en fait. D'accord, mais voilà, c'est pour ça que dans la présentation, je disais professeur de chant, mais surtout, on va dire, quelque part en technique vocale, puisque ça concerne beaucoup plus de public que les chanteurs et chanteuses. Voilà, c'est pas forcément la voix chantée. Oui. Voilà. Mais par contre, on peut travailler la voix chantée et ça va avoir une incidence sur la voix parlée. D'accord. Donc, puisque c'est à peu près le même mécanisme, il y a deux petites choses qui vont être différentes. Et souvent, en fait, les gens viennent me voir pour la voix parlée. Et au bout de 2 séances, 3 séances, ils me demandent « Ah bien, je chante très bien ». Et puis finalement, ils se rendent compte que sur leur voix parlée, ça a une incidence aussi. D'accord. Voilà. Et par rapport justement à ce que tu décris tout à l'heure, hors micro, tu me parlais d'une personne d'un certain âge. Oui. Qui pensait et puis qui ne chantait pas raisonnablement, on va dire. Et finalement, tout n'est pas perdu. Non, absolument pas. Non, il y a beaucoup de croyances limitantes avec le chant. Quand on est petit, souvent, on nous dit « Ah, là, arrête de chanter, il va pleuvoir. » Et ça, c'est des choses qui nous marquent. Et du coup, on ne s'autorise plus. Et moi, j'ai pas mal de personnes retraitées qui viennent me voir et qui me disent, notamment une, qui m'a dit, moi, on m'a toujours dit que je chantais faux, on m'a toujours dit, mais tais-toi, tu parles fort, j'aime pas ta voix, etc. Et puis, en fait, c'est des gens qui redécouvrent leur voix. Alors, moi, je suis derrière pour les motiver leur dire que, de toute façon, il y a toujours du bon et c'est jamais trop tard, en fait, pour se faire plaisir. Donc, j'ai pas mal de gens, qui viennent, qui s'autorisent enfin ça. Et c'est D'accord. bien. Donc tout est possible. Mais bien sûr. Voilà. Chanter faux, ça s'apprend aussi. Chanter juste, c'est bien écouter. Il peut y avoir, à moins d'avoir une oreille endommagée par une pathologie, etc. On arrive quand même. Mais tout ça, c'est toujours dans la bienveillance et dans le. On a beaucoup tendance en France à pointer ce qui ne va pas. Au contraire, j'essaie de pointer d'abord ce qui va pour essayer d'améliorer le reste. Et franchement, ça change tout. D'accord. Mais écoute, c'est un beau message. Oui. Hein, c'est pour ça qu'on aime avoir ces interviews comme ça ici pour donner des messages d'espoir en tout genre et de dire que même moi, tu vois, je peux me dire que si je veux me mettre au chant, absolument. C'est pas trop tard. Bah absolument. Du haut de mes trois fois 20 ans passés. Si tu as envie, il faut avoir envie et éprouver du plaisir à chanter, voilà. D'accord, tu vois, c'est quelque chose que moi-même j'ignorais et je pense ne pas être le seul en se disant écoute, c'est trop tard maintenant, qu'est-ce que tu veux que je rattrape ? Jamais trop tard, et c'est très bon pour le cerveau, c'est-à-dire d'avoir une activité comme n'importe quelle activité musicale. Le fait de chanter, il y a beaucoup d'études sur les neurosciences qui disent que ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment, physiologiquement parlant, ça fait du bien de chanter. Même si on n'est pas à faire une carrière, c'est juste pour soi, quoi. Oui, voilà, pour le plaisir. Partager la musique. Et arrêter d'entendre, il va pleuvoir. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu voulais nous apporter d'autres précisions sur tes techniques, d'autres choses dont tu avais envie de parler aujourd'hui? Oui, à côté de... Donc, les cours particuliers, je les donne donc chez moi. D'accord. Ouais. Et je m'occupe aussi depuis cette année d'une chorale avec l'association Musique et Tempo sur Anglette, donc aux écuries de Barouja. Ouais. Et voilà, tous les mardis soirs, donc 2 heures de chorale. Donc là, c'était des complètement débutants, mais je trouve... Et pareil, la technique que j'utilise en cours individuel, je l'utilise de façon évidemment différente, mais en groupe. Mais je l'utilise en groupe, absolument. Toujours, je privilégie le confort vocal. Voilà. Et dans ce groupe-là, ça va de quel âge à quel âge, pour donner une idée? Ça va de 25 à 70. Oui, quand même. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Donc, pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Non. Bon, c'est intéressant à savoir aussi. Et vous êtes combien dans la... On est 20. Ouais. Pour l'instant, cette année, on a un garçon, un homme. Ouais. Il est très chouchouté, du coup. Bah, tu m'étonnes. Et oui. Et donc voilà, donc, si l'année prochaine, à la rentrée en septembre, ça vous intéresse de chanter dans une chorale musique actuelle, oui. Se faisant du bien, etc. Surtout si vous êtes des hommes et que vous avez envie de chanter, ben venez faire un test. Voilà. Donc, non, mais c'est bien. Il faut faire passer les messages à l'avance, oui, parce qu'après, après, à la rentrée, il va y avoir tous les forums des assos qui heureusement qu'ils existent. Mais voilà. Mais c'est toujours bien d'y réfléchir un petit peu en amont pour que ça mûrisse. C'est ça. Et de se dire effectivement que tout n'est pas perdu et qu'il a encore temps. Oui, voilà. C'est ça, c'est le message. Pour le message, y compris lorsqu'on pense avoir une mauvaise voix. Oui. Voilà. Très bien. Donc, ça fait 4 ans que tu es sur Anglette. Donc, tu disais, c'est chez toi, c'est à ton domicile ou Oui, c'est chez moi. Ouais. Ouais, c'est dans quel coin d'Anglette? C'est à Montbrun, avenue de Montbrun. D'accord, ouais. Ok. Voilà, il y a tout sur mon site. Oui. La sirène Anglette, cours de chant et de technique vocale. Oui. Ou sur Instagram ou sur Facebook. Voilà. Sur les réseaux et sur le site internet. Donc, on pourra facilement te retrouver. Voilà. Bon, eh bien écoute, je crois qu'on a fait un joli tour de tout ce que tu es à même de proposer et qui peut aider, parce qu'on est aussi quelque part dans le bien-être. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est ma thérapie. Bon, moi, c'est ma limite, je suis pas psy. Oui, bien entendu. Mais c'est vrai que ça fait énormément de bien. Voilà, de se faire du bien. Voilà, de se faire du bien. De chanter, il y a plusieurs possibilités, de chanter tout seul, de chanter, des fois il y a des gens qui viennent en duo, on peut chanter en duo, pour un truc précis, pour un événement précis ou pas, pour se faire plaisir. Moi coup j'ai pas mal d'élèves qui font aussi des concours maintenant, j'ai 2-3 élèves qui ont commencé les cours avec moi il y a un an et demi, qui chantent déjà très bien. Ouais. Mais qui ne pensaient pas chanter aussi bien. Et du coup, maintenant, elles vont passer des concours et puis elles réussissent bien. Donc, c'est super. C'est top. Ouais. C'est top. Ouais. Bon, mais écoute, merci pour toutes ces informations. Ben, merci pour ton invitation. Tous ces beaux messages d'espoir en tout genre. Et puis, écoute, on ne manquera pas de suivre tes activités et certainement de voir certains de tes élèves, parce que la coïncidence veut que déjà j'en ai eu 3 ici au micro. Donc, oui, c'est possible. Je pense qu'il y en aura d'autres. C'est possible. Amaya, merci beaucoup. Merci à toi.